Bonsoir à tous. Elle s'est définie elle-même comme une femme dessinatrice au pays des Mollahs. Bonsoir Marjane Satrapi. Vous êtes femme iranienne, dessinatrice de BD très originale. Vous avez 34 ans, dont 20 passés en Iran, votre pays. Votre famille, qui descendait d'une dynastie renversée par le père de l'ex-Shah d'Iran, est une famille bourgeoise, très progressiste, qui vous donne une éducation laïque et bilingue. Vous vivez plutôt bien le départ du Shah et plutôt mal l'arrivée de l'islamisme triomphant. Pendant la guerre Iran-Irak de 84, vous avez 14 ans, vous expédiez en Autriche, où vous vivez quelques années sombres. Revenu en 89 à Téhéran, vous allez aux Beaux-Arts, vous vous mariez, divorcez, et en 94, partez pour la France, où vous vivez depuis. Tout cela, vous le racontez avec un talent fou, un humour décapant, un dessin naïf. Dans Persepolis, votre BD en 4 volumes, qui vous vaut la gloire, et celle de votre éditeur, l'association Maison Emblématique. Suivront Broderie, délicieux bavardage entre femmes, et le dernier, Poulet aux prunes, prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2005. Ce soir, vous êtes à libre cours avec des étudiants en art graphique, en dessin d'animation, en art ou en géopolitique. C'est Emmanuel, je suis étudiant en illustration. Bonjour, moi je m'appelle Nathanaël et je suis ici en tant qu'amateur de BD. Marion, voilà. Sylvain, donc je suis étudiant au Gobelin en animation. Moi je suis étudiante en illustration aussi de l'école Estienne. Bonjour, alors moi je suis Guif, j'ai une formation dans l'humanitaire, ce qui n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup la BD et je suis iranien accessoirement. Bonjour, c'est Amandine, je suis de l'école des Gobelins aussi comme Sylvain et je suis en troisième année de cinéma d'animation. J'ai fait Estienne. Alors moi c'est Sylvain Croix, je suis avec Nathanaël en développement culturel à Cergy-Pontoise. Marjane Satrapi, Persepolis est une saga familiale, un livre politique et pédagogique sur l'histoire récente de l'Iran. Et c'est bien cette triple dimension qui est passionnante. La dimension culturelle qui englobe le passé et le présent iranien, la dimension politique qui fait de vous une femme libre, plaidant sans relâche pour la démocratie iranienne qu'on ne voit guère venir, mais qui voit Persepolis figurer aux États-Unis au rayon politique des librairies et d'être enseignée à Yale dans les cours sur le Moyen-Orient. Enfin, la dimension romanesque et artistique, parce que vous aimez raconter des histoires, la vôtre et celle de vos proches, réelles ou rêvées, avec toujours en toile de fond l'Iran de votre enfance, tiraillé entre modernité et tradition. Marjane Satrapi, beaucoup de questions pour vous ce soir sur la BD d'aujourd'hui, sur le film d'animation, puisque vous travaillez en ce moment à Persepolis en dessin animé, et sur l'Iran bien sûr. Vous avez dit il y a un an, dans un entretien aux Inrecuptibles, que les livres écrits par les Iraniens sont invariablement des réflexions sur le passé, jamais sur le présent et l'avenir. Est-ce que c'est parce que le présent est trop sombre et l'avenir trop flou ? Je pense pas que ce soit vraiment lié à ça. Je pense que c'est vraiment une attitude d'exilé, c'est-à-dire qu'on est exilé, contrairement à quelqu'un qui ne l'est pas et qui peut s'appuyer sur un passé pour pouvoir se projeter dans un futur. Nous, comme on n'a pas notre passé à proximité, c'est très très difficile de se projeter dans le futur. Donc, évidemment, on se retourne sur le passé pour quelque part et essayer de savoir d'où nous venons. Et aussi, cette réflexion, elle est possible. Justement parce qu'on est éloigné, c'est-à-dire Persepolis, moi je n'aurais jamais pu le faire si j'étais encore restée en Iran. Bien sûr. Alors on va revenir d'ailleurs sur l'Iran dans cette émission, mais est-ce que vous pensez que Ahmadinejad, le nouveau président, c'est au fond un avatar de l'intégrisme ou est-ce que c'est le reflet de ce que devient l'Iran aujourd'hui? Quand vous entendez ces vociférations sur Israël par exemple ou sur la Shoah, est-ce que ça vous fait peur? Ben écoutez, moi j'ai grandi en fait en Iran et je vous cache pas que depuis le temps où en fait le régime il a changé, la question d'Israël de rayer de la carte, je l'ai entendu depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, on nous a dit ça tout le temps quoi. Le problème c'est que maintenant on le traduit, avant ça se traduisait pas et avant il y avait des présidents qui avaient la décence de ne pas le dire en fait sur un plan international, maintenant ça se dit. Enfin c'est pas des nouveaux propos si vous voulez, c'est des choses que j'ai entendu, je vous dis depuis 80 on entend ça. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on le traduit maintenant et pourquoi on ne le traduisait pas avant. Quant à M. Ahmadinejad, enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, mais par exemple, des chercheurs de CNRS, ils sont convaincus qu'il y a eu une fraude de 45%. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une partie de la population iranienne qui n'ont pas voté et une autre partie qui ont voté. Ils sont allés quand même dans les quartiers pauvres distribuer du pain et des biscuits et c'était un vote populiste où ils disaient, ben voilà, t'es un pays, troisième producteur de pétrole, avec 65 millions d'habitants, pourquoi il y aurait autant de pauvres et on va ramener l'argent du pétrole dans les assiettes des gens. Donc ils ont beaucoup joué sur ce côté populiste et sur la pauvreté des gens. Je pense que le fait que M. Ahmadinejad soit président, c'est aussi comme un épouvantail, parce que là, dans la région, vous avez des Américains qui sont en Afghanistan aussi, qui sont en Irak, et l'Iran, il se trouve en plein milieu de tout ça, et qu'il faut une figure un peu plus barbue et un peu plus agressive qui fasse peur. Alors vous dites d'ailleurs drôlement que pour l'Occident, l'Iran, c'est ou Scheherazade ou les intégristes. C'est absolument vrai. C'est-à-dire, dans les deux cas qu'on nous identifie au mille et une nuits ou qu'on nous identifie aux terroristes, il y a un aspect déshumanisant, en fait, de nous. C'est-à-dire qu'on devient une notion abstraite, et à partir du moment où on est une notion abstraite, c'est beaucoup plus facile de nous encadrer d'une part, et puis de faire n'importe quoi aussi, parce que finalement, on n'est pas des êtres humains comme les autres, quoi. Sur les caricatures qui ont déclenché la fureur du monde musulman, on y reviendra. Peut-être un mot, parce que dans Persepolis numéro 4, vous racontez l'arrestation d'un dessinateur qui avait dessiné, si je me souviens bien, un joueur de foot en barbu avec un t-shirt marqué assassin. Oui. Et un autre qui avait eu le même sort, parce que je crois dans une publicité, avait voulu montrer un barbu, et que donc il avait été aussi arrêté. Cette idée de la caricature polémique, elle est présente chez vous? Oui, ça dépend de quelle caricature polémique. Je pense qu'il y a une différence entre un caricaturiste iranien qui dénonce quelque chose et un journal danois qui fait appel à une association de très mauvais caricaturistes, parce qu'il s'agit de très très mauvais dessins, quoi. Et ce qui me choque... Simplement, on n'a pas manifesté parce que la qualité des dessins était mauvaise. Oui, mais je pense, en fait, pour moi, ça ressemble plutôt à un coup monté plutôt qu'une vraie histoire de liberté d'expression. Il ne faut pas non plus oublier que depuis maintenant un bon nombre d'années, on prend la notion les musulmans, en fait, les musulmans qui vont quand même, il faut le dire, ils vont quand même du Maroc jusqu'en Indonésie en passant par la Somalie et la Bosnie, il y a une notion des musulmans, et tous ces musulmans, ils sont mauvais, ils sont pourris, ils sont tous barbus, ils sont tous intégristes, c'est un espèce d'amalgame qu'on fait, et je pense que ce genre de choses, ça incite à la haine. Je pense qu'on est dans un climat où il faut un tout petit peu baisser le ton, parce que tout ça, ça peut aller très très loin. C'est-à-dire que tout ce qui peut alimenter, par exemple, cette semaine dans Charlie Hebdo, il y a un manifeste qui est destiné à être publié dans plusieurs journaux européens, de 12 intellectuels, dont Salman Rushdie et Taslima Nasrin, contre un nouveau totalitarisme. Pour vous, il ne faudrait pas en rajouter, ou vous pourriez... Non, mais les gens, ils font, après tout, ils font ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, dans le travail que je fais, moi, je ne suis pas du tout une croyante, je ne suis pas du tout une pratiquante, je suis quelqu'un de très, très laïque. En revanche, je ne suis pas du tout dans la tête d'un croyant, et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un croyant. Alors, au lieu de faire un affront direct, je préfère toujours de faire un affront indirect. Je trouve qu'il y a des façons plus intelligentes de le faire. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Alors, revenons à la bande dessinée. À la fois, vous appartenez à ce monde de la bande dessinée, et en même temps, vous appartenez, enfin, vous êtes un des auteurs phares de l'association, qui est une maison emblématique, dont un des fondateurs, Jean-Claude Menu, je crois, disait il y a quelque temps, l'association voulait faire des livres et non pas une espèce de sous-genre confiné pour débiles. C'était un peu l'idée de cette publication, c'est-à-dire vous inscrivez un peu à l'écart de la BD telle qu'elle est vue par les jeunes aujourd'hui. Vous voulez presque en faire des livres d'abord, et en même temps quelque chose qui dit quelque chose, quoi, qui a du sens. Évidemment, c'était moi toujours la question qu'on m'a posée, c'était pourquoi vous avez fait une bande dessinée, pourquoi vous n'avez pas fait un livre. Mais j'ai fait un livre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit un livre? C'est un objet, voilà, il y a des pages, on les tourne, on les lit, il se trouve que le dessin dans la bande dessinée, ça fait partie de la narration, et qu'on écrit aussi. Bon. D'ailleurs, vous dites souvent, c'était une façon pour moi de raconter, avec peut-être un peu plus de distance, probablement de l'humour, et une façon différente de raconter. Mais c'est un témoignage de la même manière qu'un bouquin. Absolument. Moi, je n'ai rien contre la bande dessinée, traditionnelle. Pas du tout. C'est-à-dire, il y a des très très bonnes bandes dessinées, en couleur, cartonnées, des super albums qui sortent aussi chez les grands éditeurs. Ça, c'est une chose. Mais l'idée générale qu'on se fait de ce qu'on appelle la BD, et la bande dessinée, c'est quand même... C'est de la lecture pour enfants ou pour adolescents ou au mieux des cas pour les adultes attardés mentales. Et ça, c'est blanc. Voilà. Et ça, c'est une idée que je rejette. Je pense qu'un livre, parce qu'il a des dessins, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. C'est une autre façon de s'exprimer. C'est un média comme un autre. Et voilà quoi. Et l'essor des mangas aujourd'hui dans ce monde de la bande dessinée qui représente quelque chose comme 45% aujourd'hui. Écoutez, moi je suis vraiment pas fan des mangas, j'aime vraiment pas ça, je trouve ça moche et je peux pas dire ça quoi, j'aime pas, alors voilà, c'est comme ça. Persepolis en film, on va y revenir aussi, mais vous êtes en train d'y travailler durement, d'ailleurs vous êtes extrait des studios pour venir à Librecours ce soir et merci. Donc c'est une expérience formidable, nouvelle, qui est de traduire votre bande dessinée Persepolis en 4 volumes qui est bien connue maintenant en dessin d'animation. Bah oui, mais la plus grande expérience, c'est-à-dire c'est que jusqu'à présent, jusqu'à avant de commencer à faire ce film, j'ai travaillé avec moi-même et je trouvais ça déjà assez insupportable, mais alors de travailler avec 80-90 personnes, c'est... je crois qu'il y a des questions sur... C'est quelque chose, quoi. il a fallu aussi que je m'y fasse à l'idée que je travaillais avec plein de gens. Mais le résultat est très très étonnant et surtout une image quand elle bouge, quand elle parle, quand il y a le son, quand j'ai la première projection en fait que j'ai vue, en plus c'était des dessins comme ça, c'était même pas tout à fait fini, c'était des crayonnés. La première grande projection que j'ai vue, j'ai dû sortir de la salle, j'ai bu 3 cognacs, tellement ça m'a impressionné. Donc bon, alors on va passer aux questions des jeunes qui sont ici. Sylvain Marc qui est étudiant en 3e année au Gobelin, l'école de l'image, spécialiste en images de synthèse. Alors, question à Marjane Satrapi. Oui, bonjour Marjane. Au-delà de l'aspect autobiographique, dans vos livres, vous parlez de l'Iran, du régime politique, religieux, et vous parliez tout à l'heure justement qu'il y avait des moyens plus détournés pour dire les choses. Et donc, je voulais savoir si vous vous considériez comme engagé politiquement et si votre travail avait pour but de faire changer le point de vue des Français sur l'Iran, ou si c'est un simple témoignage autobiographique. Non, évidemment que comme but, c'était pas juste un témoignage, parce que moi personnellement je trouve que le mot d'autobiographie ne convient pas tout à fait à Persepolis, parce qu'en fait je ne me raconte pas vraiment moi, c'est à travers mon histoire je raconte ce que j'ai vu. C'est-à-dire que moi je me suis dit, puisque je ne suis ni historienne ni politicienne ni sociologue, j'ai pas la science pour ça, il y a en revanche une chose qui est sûre, c'est que je suis née dans un endroit précis à un moment précis et que j'ai vu des choses de mes propres yeux, donc je ne peux avoir qu'un point de vue subjectif. Et le point de vue, de toute façon, de mon point de vue, ne peut être que subjectif. Donc j'assume cette subjectivité. À partir de là, je vais raconter une histoire. Donc évidemment, c'était à cause de toutes les âneries que j'ai entendues sur l'Iran, c'est-à-dire depuis le temps que j'ai quitté l'Iran en 84, ça a continué. Et puis il y a eu un moment où je me répétais un peu. Et puis c'est ce que j'ai dit toujours, je pense que c'était Umberto Eco qui j'avais lu une phrase d'Umberto Eco qui disait que pour lui, la seule façon de s'exprimer sans être interrompu était d'écrire. C'est pour ça qu'il faisait des livres. Et moi, c'était ça un peu. Je voulais écrire le truc et puis qu'on n'en parle plus, quoi. Voilà. C'est comme ça que je vous en parlais. Et après, j'ai continué à en parler quand même, évidemment. Donc, évidemment, il y avait un but pédagogique. Évidemment, je voulais montrer une autre facette de l'Iran, mais engagement politique, moi je suis plutôt dans le camp contre, quoi. Je suis absolument je n'y crois à aucune Pour en avoir vécu beaucoup des engagements ça me fait toujours penser à cette chanson de Brassens qui s'appelle Mourir pour les idées, et il dit très bien, enfin, les idées elles se ressemblent toutes tellement, et moi je suis plutôt de cette tendance là, j'y crois à rien et je suis contre, voilà. Voilà. Nathanaël Tribondeau, qui est étudiant en Master 2 à Cergy-Pontoise, un Master de valorisation de patrimoine et développement culturel, qui est titulaire aussi d'un DESS de géopolitique. Alors, un peu toujours sur le même thème. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, oui, vous disiez que vous étiez plutôt dans le camp contre, et pourtant, donc, cette non-autobiographie sert souvent de porte d'entrée, on l'a vu là d'ailleurs, puisque tout de suite ça a dérapé dans, entre guillemets. Sur le sujet, sur le contexte iranien, sert souvent de porte d'entrée pour le lecteur occidental pour découvrir l'Iran. Et justement, comment vivez-vous le fait de, d'être prise, que votre vie, que des événements qui vous sont intimes soient pris comme exemple de ce pays et comme constamment cité pour décrire l'histoire de l'Iran. Oui, non mais vous avez raison, c'est-à-dire mais c'est, ce que je raconte ne sont pas si intimes que ça, c'est-à-dire vous voyez, tous les quatre tomes des livres ensemble, ça fait même pas 400 pages, et si la vie de 16 ans pouvait se traduire en 400 pages de bande dessinée, j'aurais eu une très pauvre vie. C'est-à-dire j'ai vraiment choisi des moments très très particuliers qui sont peut-être pas très importants par rapport à moi-même, par rapport à ma propre vie, mais qui font le lien. Moi, toujours, j'ai voulu faire ce lien-là, de montrer en fait qu'on est après tout des êtres humains, et puis après tout, il suffit en fait de réfléchir et que le dialogue est complètement possible. Ce qui a été prouvé à moi-même, c'est-à-dire moi je suis iranienne, je voyage beaucoup dans le monde et à chaque fois je me retrouve avec des gens avec lesquels la discussion est complètement possible, quoi. Donc en fait, c'est vraiment des moments très très très précis que j'ai choisi. Bon, moi j'ai fait une fanzine en fait. C'est-à-dire, au début, quand j'ai fait ma bande dessinée, c'était je pensais qu'il n'y aurait personne pour l'éditer. Et après, je pensais qu'il y aurait, je ne sais pas, 300 personnes qui auraient la mauvaise conscience de la gauche et qui achèteraient le bouquin de la Bougnoule pour faire pour se sentir bien après chez eux le soir et tout ça. Bon, il s'est trouvé que. Vous avez combien, 300 000 ? Ah non, 1 million dans le monde. 1 million, ouais, dans le monde. Dépassé le million dans le monde. Bon, voilà, c'est devenu un phénomène énorme, mais c'était malgré moi. Bon, à partir du moment où. Moi, je me fais publier. Dans le mot publier, il y a le mot public. Donc, je m'adresse à un public dont je m'expose. Et à partir de ce moment-là, après, j'indre en disant « Ah, pourquoi je suis exposée ?» C'est complètement incongru, vous en conviendrez. Donc, voilà, j'ai fait cette démarche-là. Je me suis exposée. Maintenant, il faut assumer. J'assume, c'est tout, quoi. Bon, des fois, ça me gonfle, vraiment. C'est-à-dire, des fois, ça m'énerve. Bon, quand ça m'énerve, j'essaie de ne rien dire. Voilà, je laisse passer et puis des fois je m'exprime. Bon, on espère qu'on ne va pas trop énerver Marjane Satrapi. Non, Satrapi, non, mais vous m'énervez pas. Mais c'est vrai qu'on navigue dans cette émission, comme à chaque fois qu'on parle avec vous, en effet à la fois de l'art à la géopolitique, parce que c'est vrai que vous représentez les deux et que les deux sont intimement mêlés. On va revenir, Marjane, à la bande dessinée avec Marion Pradier qui rêve de faire de la bande dessinée et qui est en deuxième année de diplôme de métier d'art à l'école supérieure estienne des arts et industries graphiques et toujours sur les publications et notamment Persepolis. Oui, alors en fait, moi je me demandais avec, enfin, vous avez publié principalement des autobiographies. Elle a dit non, hein. des non-autobiographies, voilà, qui sont toujours inspirées un peu d'histoire familiale. Et donc je me demandais si un jour vous pensiez raconter quelque chose qui n'est absolument rien à voir peut-être avec votre vie. Mais écoutez, je pense qu'on écrit un peu ce qu'on a envie d'écrire, c'est-à-dire moi je me base en fait sur des choses qui existent un peu déjà. Donc dans la vie en fait de tous les jours, c'est tellement incroyable ce qui se passe. D'entre ceux qui sont là disait quand est-ce qu'elle va écrire Francopolis, c'est-à-dire ce qui vous arrive depuis que vous êtes en France. C'est Marion justement, voilà, qui disait est-ce qu'un jour vous écrirez justement votre perception de la France, comment vous êtes arrivé en France, de la manière que vous racontez dans un des tomes de Persepolis votre perception de l'Allemagne jeune. Peut-être, enfin là pour le magazine de New York Times, à partir du mois de juin je vais faire une page de bande dessinée par semaine sur 4 mois, ce qui va faire je sais pas 16 ou 18 pages de bande dessinée où je vais raconter un peu mon arrivée en France, mais ça serait vraiment une page à la fois. De faire tout un livre là-dessus, je ne sais pas, et puis on verra. Alors, Guy Vrafatian est franco-iranien, étudiant en Master 2 Coopération internationale, Action humanitaire et Politique de développement en Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour Marjane. Bonjour. On sait que quand vous avez grandi en Occident, en Europe, quand vous étiez plus jeune, vous avez subi un peu cette période juste après la révolution. Il y avait une grande stigmatisation des Iraniens en Europe. Et bon, comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de devoir un peu vous justifier du fait d'être iranienne? Et aujourd'hui, maintenant que c'est passé tout ça, comment est-ce que vous définissez un peu comme une iranienne en France, une franco-iranienne ou plutôt cosmopolite? Ou est-ce que vous refusez toutes les toutes les étiquettes. Vous êtes contre, tout, là aussi. Ah, mais moi, je suis contre tout. Mais non, mais en fait, évidemment, quand je suis venue en 84, la question, je disais, j'étais iranienne, et c'était là, ah, oh, les mollahs et tout ça. Je disais, ouais, mais j'ai fui les mollahs. Donc, ça ne rentrait pas dans la tête des gens. C'est-à-dire, même en leur disant que, vous comprenez, vous êtes dans une démocratie, est-ce que votre président, il vous représente, vous tous? Non. Bah alors, mon pays, ça s'appelle une dictature. Donc, si le gouvernement nous représentait, on serait aussi une démocratie. Si ça s'appelle une dictature, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Mais une chose aussi simple, les gens, ils ne voulaient pas le comprendre parce que, ben voilà, l'homme a besoin toujours de mettre le doigt sur le mal. Alors, le mal, un jour, c'est les soviétiques, un autre jour, c'est les extraterrestres, un autre jour, c'est les juifs, un autre jour, c'est les islamistes. À chaque fois, on a le mal. Et le mal a une adresse aussi précise, c'est en Orient. Voilà, et puis c'est Ben Laden. C'est bon. C'est même l'axe du mal. Voilà, donc nous, en 84, on était le mal. Aujourd'hui, on est axe du mal. Vous voyez qu'il y a quand même du progrès, quoi. Là, au bout de 27 ans, on arrive un peu, quoi. Bon, voilà. Et alors, vous vous considérez comment, ces questions de Guy Vrafatian, vous, ben, vous êtes quoi, franco-iranienne, vous diriez aujourd'hui, ou iranienne en France? Bah, écoutez, moi je veux vous dire une chose. Pour moi, réellement, ça aurait été beaucoup plus facile si j'étais un homme, parce qu'en fait, ce truc-là, ça marcherait mieux. Supposons que si j'étais un homme, j'aurais dit que l'Iran, c'est comme si c'était ma mère, et la France, c'était comme si c'était ma femme. C'est-à-dire, ma mère, bon, j'en ai qu'une. Bon, même si elle est folle, hystérique, même si elle m'emmerde tous les jours, c'est ma mère. Ben voilà, elle tombe malade, je suis malheureuse, elle meurt, je meurs, enfin voilà quoi. Ma femme, je l'ai choisie, je l'adore, je suis contente de vivre avec elle. Rien ne m'empêche d'avoir une maîtresse, de faire des gosses à gauche. À droite, voilà quoi. On est en France, hein, quand même, la vie adultère est fort intéressante ici. Un langage pour une femme iranienne largement débridé. Emmanuel Bastide, sur la bande dessinée, vous êtes en première année de diplôme supérieur d'art appliqué à l'école estienne et vous rêvez, vous aussi, comme Marion Pradier, de faire de la bande dessinée. Bonjour Marjane. Bonjour. Alors je voulais revenir sur les clichés qu'on a de la bande dessinée, donc comme un média un peu destiné aux jeunes écervelés. Elle a dit ça un peu. Ouais, hein. Voilà, justement. Et petit à petit, on voit de plus en plus de sujets sensibles, politiques, historiques, s'immiscer dans mon destinée. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une crédibilisation, une forme de 8e art, une reconnaissance de la bande dessinée? Quelque part, moi, je suis contente, en fait, du fait qu'on ne reconnaisse pas. Parce que quand vous passez vraiment écrivain ou artiste, il faut toujours avoir l'air très concerné. Chaque phrase que vous dites, il faut que ce soit très très bien, il faut être sérieux, etc. Moi, je bénéficie encore du fait que je dois être con, si je veux, parce que je fais de la bande dessinée, et ça me plaît quand même pas mal, quoi. Donc, mais je pense que cette reconnaissance, finalement, pas blague mise à part, je pense que ça arrivera forcément, parce que il y a plein de gens qui en font. Et plus il y aura de la bonne bande dessinée, et mieux ça sera, certainement. Amandine Pécharmant, qui est étudiante en conception et réalisation de films d'animation en troisième année au Gobelin, l'école de l'image, alors toujours sur la BD à Marjane Satrapi. Bonjour Marjane. Bonjour. Donc, dans Persepolis, plus précisément, tout comme Sampé, vous nous relatez la réalité qui vous entoure par le truchement des yeux d'une petite fille. Mm-hmm. Et donc, je voulais savoir si, avant de venir en France en 94, vous étiez influencée par Sampé, parce que j'ai noté une réelle similitude entre la fraîcheur du graphisme et le style épuré. Sincèrement, non. C'est-à-dire, moi, les dessinateurs français, surtout la bande dessinée, je l'ai connue à partir de l'âge de 24 ans. C'est-à-dire, quand je suis venue en France. Donc, non, je ne connaissais pas ça avant. Donc, j'ai suivi quand même une formation artistique, donc j'ai dessiné avant. Donc, forcément, quand on voit des choses, même si on ne pense pas directement, ça nous influence. Peut-être, mais... C'est intéressant cette comparaison avec Sampé, parce qu'elle ne me serait pas venue à l'esprit, vu la finesse du dessin de Sampé, qui n'a pas grand-chose à voir avec Absolument. Votre graphisme à vous. Est-ce que ça vous étonne, la question d'Amandine, ou c'est surtout que ça me flatte, parce que Sampé, pour moi, c'est le plus grand dessinateur. Quand je vois un dessin de Sampé, à chaque fois, je me dis, comment il fait, quoi. Je trouve que c'est le meilleur, Sampé. Et je suis surtout flattée, donc je n'ai pas le temps de réfléchir à d'autres trucs. Marion Pradier, sur les influences... pour Marjane. Oui, bah, je me demandais justement si vous aviez été influencée par certains artistes comme Spiegelman avec Maus ou Oui, oui. Baudouin, Hugo Pratt. Non, Spiegelman surtout, parce que en fait, j'ai lu Mauss avant de commencer à faire Persepolis, et évidemment, j'avais... Spiegelman a eu le prix Pulitzer pour cette bande dessinée Mauss, où il représente l'histoire de la Shoah à travers des souris, et ça a été extrêmement fort. Absolument. Et en fait, je l'avais lu, et évidemment, la vision de la bande dessinée que moi j'avais, c'était comme tout le monde, c'est-à-dire la lecture pour les cons, et en fait, j'ai lu ce livre, et j'étais vraiment très, très, très impressionnée. En même temps, vraiment, je ne viens pas d'une culture de bande dessinée, aussi je ne pense pas que dans la culture, il s'est fragmenté comme ça, c'est-à-dire les gens de la bande dessinée disent de la bande dessinée, les gens de la littérature. Pour moi, la culture, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus général, c'est-à-dire moi, j'étais autant influencée par Nosferatu de Murnau dans la façon dont il traite les noirs et blancs, où c'est vraiment un chef-d'œuvre, chaque plan, c'est un chef-d'œuvre, autant par les gravures sur bois de Félix Vallotton, autant par le cinéma, par exemple, le nouveau réalisme italien des années 50, sur le côté de prendre une anecdote comme le voleur de bicyclette de De Sica, où à partir d'une petite anecdote, il décrit tout le drame social de l'Italie de la fin des années 50. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes qui ont fait que j'ai aimé le noir et blanc, que j'ai aimé l'anecdote, et tout ça. Évidemment, il y a aussi de la bande dessinée qui sont intervenus, mais comme je n'ai pas lu de la bande dessinée dans mon enfance, j'ai vraiment commencé à en lire à partir de l'âge de 24-25 ans, et ça serait un mensonge de ma part de dire que j'ai eu une grande influence de la bande dessinée. En revanche, j'ai appris après à apprécier la bande dessinée.